إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc aujourd'hui la lecture de cette épître de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala intitulée Les annulatifs de l'islam. On a vu dans le cours d'hier une petite introduction à ce sujet, nous démontrant l'importance de cette épître et l'importance de s'instruire quant aux annulatifs de l'islam afin de pouvoir s'en préserver. Puis on a vu les cinq premiers annulatifs que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. On va donc voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, les cinq annulatifs suivants. Il dit rahimahullah, le sixième, quiconque se moque d'une chose de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, de la récompense d'Allah ou de son châtiment, a alors mécru. Ceci est donc le sixième annulatif que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans cet épître. Et comme vous le voyez, c'est un annulatif qui est très très dangereux. En effet, nombre de personnes sont tombées dans cet annulatif parmi ceux qui prennent à la légère ces questions. Surtout à notre époque, où c'est banalisé le fait de se moquer ou de prendre en raillerie une chose de la religion. Ou alors, de tourner en dérision des questions religieuses, ou des prophètes, alayhimu salatu wassalam, ou des versets du Coran, ou alors de les mépriser, et ce, dans l'objectif de faire rire les gens. Et cet annulatif, il n'a pas lieu que par la parole, mais il peut avoir lieu par un acte, une parole, un geste, un signe, ou même un clin d'œil, ou une expression du visage. Ceci nous prouve donc que ce n'est pas une chose à prendre à la légère, et qu'il incombe aux musulmans de s'instruire à ce sujet afin de s'en prémunir. Et il n'y a pas de doute que le fait de se moquer de la religion, ce n'est pas une chose qui peut être commise par celui dont le cœur est illuminé par la lumière de la foi. Et c'est pour cela que celui qui se rend coupable de ce grave péché sort de la religion de l'islam. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit donc, quiconque se moque d'une chose de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une chose de l'islam, un verset du Coran, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une loi de l'islam, une de ses législations, un prophète, quelle que soit cette chose, qu'elle soit petite ou grande, même si la personne se moque d'une législation qui n'est pas obligatoire, mais qui est simplement surérogatoire. Il prend en raillerie une chose qui est recommandée par la religion, la méprise, la rabaisse, et ce pour faire rire les gens. Ensuite il dit, de la récompense d'Allah ou de son châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde envers ses serviteurs, il a promis des récompenses pour les serviteurs bienfaisants, ceux qui se soumettent à sa législation, qui lui vouent un culte exclusif, qui suivent la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et en parallèle de cela, de par son équité subhanahu wa ta'ala, il a menacé d'un châtiment ceux qui s'opposent à cela, qui refusent de se soumettre à sa législation, qui refusent de suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il les a donc menacés d'un certain nombre de châtiments, et ce, de par son équité subhanahu wa ta'ala. Et il y a certaines personnes qui prennent en raillerie les informations qui nous sont venues concernant les récompenses ou les châtiments, ou qui les méprisent et qui ne révèrent pas les textes sacrés. Donc celui qui commet cela, qui se moque d'une des choses que l'on vient de mentionner, il est alors sorti de la religion de l'islam, même s'il ne cherchait par cela qu'à faire rire les gens. Et la preuve à ce sujet, c'est le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Il dit rahimahullah, la preuve est sa parole, « قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Donc ce verset, c'est une preuve explicite concernant le fait que quiconque se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de ses versets, ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il sort de la religion de l'islam. Et la cause de la révélation de ce verset, c'est qu'au retour d'une bataille, il y avait certaines personnes qui ont tenu des propos très graves à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils dirent à leur sujet, nous n'avons jamais vu des gens aussi gourmands, aussi désireux de la nourriture et aussi lâches lors de la rencontre de la nuit. Alors un compagnon radiyallahu ta'ala anhum les écouta, les blâma, puis se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer de leurs propos. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà informé de cet événement qui venait de se produire. Alors, l'auteur de ces paroles vint pour s'excuser auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam de répéter ce verset dit, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre faute. Et l'auteur de cette parole, afin de s'excuser, il a prétendu n'avoir prononcé ces paroles qu'afin de se distraire durant le voyage. C'est-à-dire qu'il n'y pensait pas, mais qu'il cherchait simplement à prononcer certaines paroles afin de passer le temps pour faire face à la difficulté du voyage. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. La ta'tadhiru, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Ceci est donc la cause de la révélation de ce verset, et on tire de ce récit de nombreux bénéfices. Tout d'abord, il y a le fait que la personne qui prend en raillerie une chose de la religion, même s'il n'est pas sérieux dans sa parole, et qu'il ne vise pas le sens des paroles qu'il prononce, mais qu'il ne fait cela que pour faire rire les gens, alors celui-ci sort tout de même de la religion de l'islam. Le deuxième bénéfice, c'est que ceux qui sont présents et se joignent à lui dans ce discours, c'est-à-dire qu'ils l'écoutent, le partagent et en rient, alors ils ont le même jugement que celui qui prononce ces paroles. En effet, regardez, dans le récit, une seule personne a prononcé la parole. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le jugement sur ce groupe de personnes. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Et donc, qu'est-ce qu'il incombe à la personne qui se trouve dans une telle situation? Il lui incombe de faire comme a fait le noble compagnon, qui les a blâmés, puis s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'informer de ce qui venait de se produire. Donc, le musulman, il doit prendre garde à ne pas se joindre à des personnes qui prennent en raillerie la religion, qui dénigrent Allah subhanahu wa ta'ala, ou un de ses prophètes, ou un des jugements du Qur'an, ou un des jugements de la sunnah, au risque de tomber dans cet annulatif ou l'iyadu billah. Donc si tu as bien compris cela, tu verras la dangerosité de nombre de vidéos que certains parmi les musulmans regardent, diffusent, dans lesquelles on prend en raillerie certaines règles de la religion. Sache que si le fait qu'on se moque d'un verset, ou d'un hadith, ou d'un jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela te fait rire, alors tu es dans une situation très dangereuse. Et il t'incombe de te remettre en question et de t'empresser de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sans même parler du fait de regarder ces vidéos, qui sont sur internet ou qui passent à la télé ou autre, on va même pas parler du jugement de base de regarder ces choses-là. Mais sache que, si la religion est prise en raillerie, et que cela te fait rire, alors tu es en grand danger. Et rappelle-toi cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum » Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Et de la même manière, il ne convient pas aux musulmans de se railler des croyants concernant leurs œuvres qu'ils accomplissent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 79 de Surat al-Tawbah, « Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi s-sadaqat, walladhina la yajiduna illa juhdahum, fayaskharuna minhum, sakhirallahu minhum, walahum adhabun alim. » Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. La cause de la révélation de ce verset, elle nous est rapportée par des imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abu Mas'ud Al-Badri, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, lorsque les versets sur la sadaqa, sur l'aumône sont descendus, Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, faisaient des aumônes. Alors un homme parmi eux est venu et a fait une grande aumône. Alors les hypocrites ont dit à son sujet, celui-ci fait de l'ostentation. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup pour se montrer. Puis un autre parmi les compagnons est venu et a donné un sa', une petite quantité. Alors, ils ont dit, Allah se passe de son aumône. Il n'a pas besoin de cela. On voit donc qu'il se moquait des croyants, quelle que soit leur œuvre. S'il donnait une grande aumône, il l'accusait d'ostentation. Et s'il donnait une petite aumône selon ses moyens, il méprisait son œuvre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Donc le musulman, il doit bien prendre conscience que lorsqu'une personne accomplit un acte pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas te moquer de cette personne, ni remettre en question son intention. On rapporte à ce sujet qu'un homme est un jour entré dans une mosquée et vu un homme en train de prier qui pleurait. Il s'est alors dit que celui-ci faisait de l'ostentation. Il dit après cela, j'ai été privé de larmes pendant un certain temps. C'est-à-dire que pendant une longue période, il n'a plus pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ses larmes n'ont plus coulé, ni durant sa prière, ni durant la lecture du Coran. Pourquoi? À cause de cette parole ou de cette pensée. Tu ne dois pas chercher à entrer dans les intentions de tes frères et sœurs. Tu dois plutôt avoir une bonne pensée de tes frères et sœurs et ne pas remettre en question leurs intentions. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, le septième est la sorcellerie, comme les sorts d'union ou de désunion. Quiconque la pratique ou l'agrée a mécru. Ceci est donc le septième des annulatifs de l'islam que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici. La sorcellerie, comme vous le savez, c'est un fléau qui est très répandu dans le monde, et ce jusqu'à nos jours. Et la sorcellerie, elle est la cause de nombreux méfaits sur les hommes. Elle peut entraîner des maladies physiques, des maladies mentales, des divorces, voire même la mort, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La sorcellerie est donc une réalité avérée qui est prouvée par les textes du Coran et de la Sunna. Donc tout d'abord, parmi les choses à savoir à ce sujet, quel est le sens du mot sorcellerie? En arabe, as-sihr. Le mot sihr, en arabe, il désigne tout ce qui est mystérieux et dont la cause est secrète ou cachée. C'est d'ailleurs pour cela que le repas qu'on prend avant l'aube, lorsqu'on jeûne durant le mois de Ramadan, il est appelé as-sahur. Il a donc la même racine que le mot sihr. Pourquoi? Car c'est un repas qui échappe à l'attention et au regard. Il se peut parfois que dans une maison, certaines personnes jeûnent, en dehors du mois de Ramadan, qu'ils se lèvent, qu'ils mangent, et que les autres ne le savent pas. Il a donc été appelé as-sahur. Et de la même manière, la fin de nuit, elle est appelée sahar, car le jour y fait son apparition petit à petit, dans l'obscurité de la nuit. Ceci est donc le sens du mot sihr dans la langue arabe. Et d'un point de vue religieux, les gens de science, rahimahumullah ta'ala, ont mentionné de nombreuses définitions, qui sont toutes différentes les unes des autres, et ce car en réalité, le domaine de la sorcellerie, il est très vaste. Et certains l'ont défini comme étant tout ce qui produit un effet sur les corps ou les cœurs, comme incantation, formule, nœud sur lesquels on souffle, à l'exemple des amulettes et des talismans, dont l'objectif est de porter atteinte à la personne ensorcelée. Telle est la définition de la sorcellerie qui a été mentionnée par les gens de science. Et cette sorcellerie, comme on a dit, elle a un effet sur les corps ainsi que sur les cœurs. Sur les corps, par exemple, par la maladie ou même la mort. Et elle peut aussi agir sur l'esprit, de sorte à ce que la personne s'imagine faire des choses qu'elle ne fait pas, ou autre chose similaire. Et elle agit sur les cœurs, de sorte à faire éprouver à la personne de l'amour ou de l'aversion d'une manière anormale, que ce soit pour une chose ou pour une personne. Et c'est cette forme de sorcellerie que le cheikh rahimahullah ta'ala a cité ici en exemple, lorsqu'il dit « comme les sorts d'union ou de désunion ». Il vise par cela ces sorts qui consistent à unir ou à désunir deux personnes. Donc le sort de désunion, sort de séparation, il a pour but par exemple d'éloigner un homme de son épouse ou inversement. L'homme, il ressentira alors une aversion et une haine anormale pour son épouse. Et il se peut même que son épouse apparaisse à ses yeux sous une apparence déplaisante, une apparence qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'il la voit d'une apparence contraire à sa réelle apparence. Et il se peut aussi que lorsqu'il soit en sa présence, il ressente un mal-être, il se sent mal. Et certains ont même mentionné qu'il se peut qu'il sente des odeurs désagréables le poussant à s'éloigner d'elle. Et tout ceci est l'effet du sort qui a pour but de les éloigner l'un de l'autre. Donc on a mentionné l'exemple de l'homme avec son épouse, mais cela peut aussi être l'inverse, l'épouse qui voit son mari sous une apparence déplaisante et ainsi de suite. Et le sort d'union, c'est l'inverse. Il va agir de façon opposée. C'est-à-dire que l'homme, il va aimer une femme de façon anormale. Il va peut-être la voir sous une apparence bien plus plaisante qu'elle ne l'est réellement, et ainsi de suite. Et tout cela sous l'effet de la sorcellerie. Et ces deux types de sorts, ils sont bien réels. Et ils sont parmi les plus répandus dans les sociétés. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, les a mentionnés en exemple. Et il faut savoir que la pratique de ce sort, l'agrément de ce sort, et même l'apprentissage de ce type de sorcellerie, est de la mécréance majeure qui fait sortir de la religion de l'islam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme preuve que la sorcellerie fait sortir de l'islam un passage du verset 102 de Sourate Al-Baqarah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce que les diables racontaient au sujet du règne de Sulayman alayhi salam. Donc Sulayman alayhi salam, il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un royaume que nul autre après lui n'aurait. Allah subhanahu wa ta'ala a donc mis à son service les djinns et les démons qui accomplissaient pour lui de lourdes tâches. Et lorsque Sulayman est mort, alayhi salam, les démons ont calomnié à son sujet, en prétendant qu'il n'avait pu obtenir ce royaume et avoir les djinns à son service que par la pratique de la sorcellerie. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala innocente son prophète, Sulayman alayhi salam, de cette calomnie qui a été forgée par les démons et qui a été reprise par les juifs. Et ce verset, il nous prouve que la sorcellerie est de la mécréance. Et ce, de plusieurs manières. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celui-ci, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant. Suleyman n'a jamais mécru, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pratiqué la sorcellerie, qui est, elle, de la mécréance. Et ce, car il ne convient pas à un prophète d'Allah de commettre un acte de mécréance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais les diables ont mécru. Pourquoi ils ont mécru? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Donc ceci nous prouve que le fait d'enseigner la sorcellerie, c'est de la mécréance. Et cela nous prouve également que la sorcellerie, elle fait partie des enseignements de qui? Des enseignements des diables. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et ceci, c'est-à-dire les deux anges envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour éprouver les gens, ils n'enseignaient rien à personne avant de leur dire, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. C'est-à-dire, n'apprends pas la sorcellerie, sinon tu seras mécréant. Donc ceci nous prouve que le simple fait d'apprendre la sorcellerie, c'est de la mécréance, même si la personne ne la met pas en pratique. Le simple fait d'apprendre la sorcellerie la fait immédiatement sortir de la religion de l'islam. On voit donc à travers ce verset que la sorcellerie est de la mécréance, que l'apprentissage de la sorcellerie est de la mécréance, et que l'enseignement de la sorcellerie est de la mécréance. Et ceci, bien sûr, sans parler du fait que le sorcier, il ne lui est pas possible de pratiquer sa sorcellerie sans accomplir différents actes de mécréance et de polythéisme, et ce, afin d'obtenir l'agrément des diables. À titre d'exemple, il se peut qu'il souille le mushaf en urinant dessus, wal'iyadhu billah. Ou alors, qu'il immole des bêtes pour les diables. Ils vont par exemple lui demander d'immoler un mouton, de le sacrifier, et ensuite de jeter sa viande à la mer, ou de jeter sa viande dans un puits, et ainsi de suite. Donc ceux-ci sont des actes de polythéisme majeurs, qui le feront inévitablement sortir de l'islam. Mais même sans cela, la sorcellerie en elle-même, son simple apprentissage, sa pratique, le fait de l'agréer, ceci est de la mécréance. Il faut donc prendre garde à cela, et ne pas penser que c'est une question sans gravité. Car nombre de personnes parmi les gens de la masse ne se rendent pas compte de la gravité de cela. Il y en a parfois certains qui se rendent chez des charlatans pour leur demander de leur faciliter afin de réussir un examen, ou de leur faciliter pour se marier avec telle ou telle personne, sans se rendre compte de la gravité de cet acte, et ce, à cause de leur ignorance. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, et diffuser autour de lui les preuves de la gravité de ce péché qui fait sortir de la religion de l'islam. Surtout s'il vit dans une société où ce péché est répandu. Wallahu musta'an. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, le huitième consiste à secourir les polythéistes et leur venir en aide contre les musulmans. Ceci est donc le huitième annulatif de l'islam, et comme vous le voyez, il est lié au principe de l'alliance et du désaveu. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a ici mentionné une des formes d'alliance aux mécréants. Mais en réalité, l'alliance, elle est plus large que cela. En effet, cela englobe de nombreuses choses, comme le fait d'aimer les mécréants, le fait de leur venir en aide contre les musulmans, le fait de leur adresser des éloges et des compliments, et ainsi de suite. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, notamment lors de la lecture des trois fondements, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans d'avoir de l'aversion et de la répulsion pour les mécréants, de se désavouer du polythéisme et de se désavouer des adeptes du polythéisme. Et comme on a déjà traité ce sujet en détail, lors des trois fondements, on ne va pas revenir dessus, mais on va ici essentiellement se concentrer sur la parole de l'auteur. Il a donc dit, rahimahullah, le huitième consiste à secourir les polythéistes et leur venir en aide contre les musulmans. Venir en aide aux polythéistes, cela désigne le fait de les secourir. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il n'a certainement mentionné cela que pour clarifier le sens de sa parole. Ensuite, il a mentionné comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 51 de surat al-Ma'idah et qui commence comme suit. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc sa parole, subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Ceci est une preuve de la mécréance de l'auteur de cet acte. Et ceci est le sens apparent de sa parole, fa'innahu minhum. Il devient un des leurs. C'est-à-dire, il devient comme eux. Et il fait partie des mécréants. C'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset comme preuve. Et on a dit que l'alliance aux mécréants, elle peut avoir lieu de plusieurs manières, même sans leur venir en aide et sans les secourir. Il y a par exemple le fait de les aimer pour leur religion, de les complimenter, de faire les éloges de leur polythéisme ou de leur religion altérée, ainsi que d'autres formes qui entrent toutes sous la menace de ce verset. Celui qui les prend pour alliés devient un des leurs. Le verset est donc général. Et l'alliance, ou le secours des mécréants, il peut avoir lieu de différentes manières. Et ces manières ont des jugements différents. La première manière, c'est de les aider et les secourir contre les musulmans, tout en aimant et en approuvant ce sur quoi ils sont comme mécréance, polythéisme et égarement. Donc celui-ci, il n'y a aucun doute qu'il est tombé dans la mécréance majeure qui fait sortir son auteur de la religion de l'islam. La deuxième cas, ou la deuxième manière, c'est celui qui les aide contre les musulmans sous la contrainte. Il ne le fait pas de son plein gré. Il ne les aime pas, il n'aime pas leur religion, mais il le contraigne à cela, pourquoi? Du fait qu'il réside parmi eux, dans leur pays. Celui-ci, il est donc sous une menace sévère, et il est à craindre pour lui que ceci soit la cause de le faire tomber dans la mécréance majeure ou l'aïyadu billah. Et ceci n'est pas une chose imaginaire ou improbable. D'ailleurs, ceci a eu lieu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les polythéistes ont contraint un groupe de musulmans à combattre à leur côté contre les musulmans lors de la bataille de Badr. Et qui étaient ces musulmans? C'étaient ceux qui sont restés à Mecca, à la Mecque, et avaient délaissé l'émigration vers Médine. Ils n'avaient pas fait la hijra. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés, et il les a sévèrement blâmés pour leur délaissement de la hijra, et le fait qu'ils soient restés parmi les polythéistes, s'exposant ainsi, de leurs propres mains, à la situation dans laquelle ils se trouvèrent. C'est-à-dire que c'est eux la cause, à la base, d'avoir été contraints, car c'est eux qui sont restés parmi les polythéistes. Ils ont donc été contraints de sortir à leur côté pour combattre les musulmans. Ils ne sont pas sortis par amour de la religion des polythéistes, mais ils réprouvaient leur religion et aimaient la religion de l'islam. Mais ils sont restés à Mecca, pourquoi? Par amour de leurs biens, par amour de leurs proches qui s'y trouvaient, par amour de leur ville, et ainsi de suite parmi les causes qui sont jusqu'à aujourd'hui des causes qui poussent la personne à délaisser l'émigration en terre d'islam et à rester parmi les polythéistes, par amour de ce bas monde, par amour de l'argent, ou par amour de ses proches qui se trouvent dans ce pays, ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, il a descendu les versets bien connus de Surat An-Nisa, que l'on a déjà lu lors de notre lecture des trois fondements. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant où en étiez-vous. C'est-à-dire dans quel camp étiez-vous? Étiez-vous avec les mécréants ou avec les musulmans? Et ceci est un blâme et une réprimande. C'est-à-dire pourquoi étiez-vous avec les polythéistes alors que vous êtes musulmans? قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Ils dirent nous étions impuissants sur terre. C'est-à-dire, nous n'avions pas d'échappatoire. C'est eux qui nous ont forcés, c'est eux qui nous ont contraints à sortir combattre à leur côté contre les musulmans. Qu'est-ce qu'il leur sera dit? قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. Les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? C'est-à-dire, pourquoi êtes-vous resté avec les polythéistes alors que vous êtes musulmans et que vous pouviez émigrer? C'est donc vous qui avez exposé vos propres personnes à ce danger et à cette grave situation dans laquelle vous vous trouvez. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. On voit donc qu'il y a ici une menace sévère à leur encontre. Ainsi, celui qui délaisse la hijra, qui délaisse l'émigration en terre d'islam, alors qu'il a les capacités d'émigrer, mais qu'il reste vivre avec les polythéistes, puis que ces polythéistes le force à combattre avec eux contre les musulmans. Alors celui-ci est en grand danger et sous la menace de ce verset. Le troisième cas, ou la troisième situation, c'est celui qui aide les mécréants contre les musulmans de son plein gré, sans être contraint, mais tout en ayant de l'aversion pour la religion de mécréants, c'est-à-dire qu'il ne les approuve pas. Alors celui-ci, il n'y a aucun doute qu'il a commis un grand péché, et on craint pour lui qu'il tombe dans la mécréance. Le quatrième cas ou la quatrième situation, c'est celui qui aide les mécréants contre des mécréants, c'est-à-dire des autres mécréants, mais qui ont un pacte avec les musulmans. Et ceci est interdit, car il n'est pas permis de rompre un pacte. Donc les mécréants qui sont liés à un pacte avec les musulmans, il est interdit de les combattre, et ce, par fidélité envers ce pacte. Et celui qui aide quelqu'un à les combattre, il a alors rompu le pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un mu'ahad, celui qui tue un mécréant qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Enfin, le cinquième cas, c'est celui qui a de l'amitié et de l'amour pour les mécréants, mais il ne les aide pas contre les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a nié la foi de celui qui est dans cette situation, et ce car cela s'oppose au désaveu qui est obligatoire. Comme on l'a vu dans le dernier verset de Surat al-Mujadila, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit à Allah au jour dernier prendre pour ami ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Cette question est donc une question relativement pointilleuse, et c'est pour cela que, comme pour les autres annulatifs, comme je vous l'ai dit hier, il convient aux musulmans de ne pas s'empresser à poser des jugements sur les autres. Mais nous ici, on étudie ces questions d'un point de vue général, d'un point de vue absolu. Quant au jugement sur les individus particuliers, alors, pour cela, on revient aux gens de science. On leur expose la situation. S'il y a un besoin, cela. L'essentiel est que tu saches que le fait de secourir les polythéistes et leur venir en aide contre les musulmans, c'est-à-dire afin de nuire aux musulmans, en aimant la religion des polythéistes, en ayant pour objectif de secourir la religion des polythéistes et d'avilir la religion de l'islam, alors ceci est de la mécréance. Et c'est ce qui est visé ici par cet annulatif. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, le neuvième, quiconque croit que certaines personnes peuvent sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Khadir est sorti de la religion de Moussa, que le salut soit sur eux, est alors mécréant. Ceci est donc le neuvième annulatif de l'islam, mentionné par l'auteur rahimahullah ta'ala. Et c'est le fait que certaines personnes pense qu'il est permis à des individus de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela signifie de sortir de la législation de Mohammed? C'est-à-dire qu'il ne serait pas obligé de s'y soumettre, qu'il ne serait pas obligé de suivre la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela prétendent qu'ils peuvent délaisser les obligations et enfreindre les interdits, et ce sans aucune limite. Et cela revient à ce que l'on a mentionné lors de la lecture des six fondements, au cinquième fondement sur les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a vu que cette croyance, elle est répandue chez les exagérateurs parmi les soufis. Ils pensent que ce qu'ils appellent des saints, des walis, il leur est permis de faire ce qu'ils veulent. Ils ne prient pas, ils ne donnent pas l'aumône, ils ne jeûnent pas, ils ne font aucune autre adoration. Pourquoi? Car ils disent que les adorations, elles ne sont légiférées que pour les gens de la masse. Quant aux saints, les walis, ils peuvent sortir de la législation. Ils ne sont pas soumis à la législation. Ils n'ont pas besoin d'accomplir des adorations. Et en parallèle de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent toutes sortes de péchés et d'interdits, toutes sortes de perversions et de turpitudes. Et leur prétendue preuve en cela, c'est quoi? C'est l'histoire d'Al-Khadir, histoire que vous connaissez certainement, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans Surat Al-Kahf. Et ils pensent qu'Al-Khadir était un saint, et qu'il n'était pas contraint de se soumettre à la législation de Moussa alayhi salam. De ce fait, ils en déduisent qu'il est permis à leur prétendu saint de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment répondre à cette ambiguïté? Ils disent qu'Al-Khadir c'était un saint, et qu'Al-Khadir ne suivait pas la législation de Moussa alayhi salam. Donc ceci est une preuve que les saints ne sont pas soumis à quoi? À la législation des prophètes. Donc de la même manière, les saints aujourd'hui ne sont pas soumis à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Telle est leur argumentation. On va voir, inshallah, comment leur répondre. Le premier élément de réponse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble de l'humanité, sans exception. Les Arabes et les non-Arabes, et même les djinns, ils sont soumis à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des particularités de notre prophète. Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam muslim rahimahullah, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhumah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes étaient envoyés spécifiquement à leur peuple, et j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Les prophètes, ils étaient envoyés spécifiquement à leur peuple. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, il a été envoyé à qui? À Banu Israël, aux enfants d'Israël, et non pas à l'ensemble de l'humanité, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 28 de Surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à l'ensemble des gens, sans exception. D'ailleurs, il nous a dit dans un hadith, quiconque parmi les juifs ou les chrétiens entend parler de moi, puis ne croit pas en ce avec quoi je suis venu, il entrera alors inévitablement en enfer. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si Moussa était vivant, Moussa alayhi salam, un prophète, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. On voit donc à travers ces preuves que la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle concerne l'ensemble de l'humanité. Et qu'il n'est permis à personne de sortir de sa législation, c'est-à-dire de ne pas la suivre et de ne pas s'y soumettre. Le deuxième point, ou le deuxième élément de réponse, c'est de savoir est-ce que les actes d'Al-Khadir étaient réellement contraires à la législation. Et ça, c'est une question très importante. Car les soufis, ils se servent de ce récit pour justifier les turpitudes et les perversités qui sont commises par ceux qu'ils appellent des saints. Ils vont justifier certaines turpitudes liées aux mœurs, ou alors des grands péchés comme la consommation de l'alcool et autres, et ainsi de suite parmi les transgressions que ceux qu'ils appellent wali, que ceux qu'ils appellent des saints, ils commettent. Mais si tu médites sur les trois faits qui nous ont été mentionnés dans Surat al-Kahf au sujet d'Al-Khadir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le bateau. Pourquoi? Car s'il n'était pas cassé, alors il aurait été saisi. Donc en réalité, il l'a cassé pourquoi? Pour un intérêt plus grand, qui est le fait que ses propriétaires puissent le conserver. Deuxièmement, il a tué l'enfant, pourquoi? Car cet enfant allait être la cause de la mécréance de ses parents. Donc la mort de cet enfant contenait un intérêt plus grand que le fait qu'il reste en vie. Et troisièmement, il a construit le mur afin de préserver le trésor de ses deux orphelins. Donc si tu médites sur cela, tu te rends compte qu'en réalité, ces actes, ils ne sont pas contraires à la législation. Donc quelqu'un pourrait dire pourquoi Moussa alayhi salam, alors il a été stupéfait, il a été surpris de ce que faisait Al-Khadir. La réponse est que Moussa alayhi salam, il n'avait pas connaissance au départ des raisons pour lesquelles Al-Khadir faisait cela. Il le voit casser le bateau, sans savoir la raison qui l'a poussé à faire cela, et ainsi de suite. Mais lorsque Al-Khadir l'a informé de la raison pour laquelle il avait fait cela, alors Moussa alayhi salam l'a approuvé. Et si ce qu'il faisait n'était pas correct et en contradiction avec la législation, alors Moussa alayhi salam, il ne l'aurait en aucun cas approuvé. Donc on voit que cette histoire, elle ne peut en aucun cas servir de preuve à ces soufis, pour ce que font leurs gourous parmi les prétendus wali comme perversité, comme transgression et comme péché. Enfin, le troisième élément de réponse, c'est de savoir est-ce qu'El Khadir était réellement un saint. Ou alors, n'était-ce pas plutôt un prophète? Et les gens de science ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que c'était un saint, et que ce qu'il a accompli fait partie des prodiges qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder à ses alliés. Et la majorité des soufis ont soutenu cet avis, pourquoi? Afin de justifier leur croyance erronée, prétendant qu'il est permis aux alis de faire des choses contraires à la législation, de délaisser les ordres et de commettre des interdits. Et l'autre avis, qui est celui de la majorité des gens de science, et c'est celui qui est prouvé par les textes clairs du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'El Khadir était bel et bien un prophète, alayhi salam. Et parmi les preuves claires à ce sujet, il y a le verset 65 de Surat al-Kahf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de la rencontre de Moussa et Al-Khadir, فَوَجَدَ عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ils trouvèrent un de nos serviteurs à qui nous avions donné une miséricorde de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. L'imam al-Shanqiti rahimahullah ta'ala a dit dans son tafsir, on comprend de ce verset que la miséricorde évoquée ici est la miséricorde de la prophétie et que cette science émanant d'Allah est la révélation. Car la miséricorde est souvent employée dans le Coran pour désigner la prophétie et la science émanant d'Allah pour désigner la révélation. Ceci est donc la première preuve qu'El Khadir était un prophète, alayhi salam. Au verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet d'El Khadir qu'après avoir mentionné à Moussa, alayhi salam, les raisons de ses agissements, il lui dit « وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي » « Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. » C'est-à-dire qu'il l'a fait comment? Sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'a lieu qu'à travers la révélation. Donc ceci nous prouve qu'El Khadir était un prophète, alayhi salam. Et ceci annule complètement l'ambiguïté diabolique établie par les soufis pour justifier les transgressions et les perversions que commettent leurs pseudo-walis. Et parmi les choses, bonnes à savoir, qui entrent dans cet annulatif, il y a la parole des adeptes de la laïcité, qui appellent aujourd'hui à la séparation entre les affaires religieuses et les affaires d'État. Comme lorsqu'ils disent « Les adorations sont à la mosquée, qu'entre trois actions, au jugement, la politique, ceci ne fait pas partie de la religion. » Ils permettent donc en cela de sortir de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces domaines, en ce qui concerne les transactions, en ce qui concerne les jugements, en ce qui concerne la politique et ainsi de suite. Et ils pensent que la religion n'est liée qu'aux adorations. Ils sont donc sortis de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans certains domaines qui sont soumis à la législation de l'islam. Ils sont donc entrés ainsi dans cet annulatif. Donc le musulman, il doit savoir et avoir la ferme conviction que la religion de l'islam a réglementé toutes choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre toutes choses. Et la seule chose qui nous incombe à nous, c'est de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce en toutes choses et dans toute affaire, sans exception. Et on revient bien sûr en cela à la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Enfin, l'auteur dit, rahimahullah, le dixième consiste à se détourner de la religion d'Allah, de ne pas la prendre ni la mettre en pratique. Ceci est donc le dixième annulatif de l'islam. Il consiste à se détourner de la religion d'Allah, c'est-à-dire de tourner le dos à la religion, s'écarter de la religion en refusant la religion. Il dit également ne pas l'apprendre, c'est-à-dire que la personne, elle refuse d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle rejette l'apprentissage de la religion. Elle ne veut pas en entendre parler. Donc celui-ci, il mécroît et sort de la religion de l'islam à cause de quoi? À cause de son refus. Car celui qui désire la religion, il n'y a pas de doute qu'il va apprendre sa religion, il ne va pas refuser son apprentissage. Mais celui qui se détourne de la religion et refuse de l'apprendre, il est donc tombé dans cet annulatif de l'islam et ainsi sorti de la religion. Toutefois, il faut faire attention ici à ne pas confondre cela avec celui qui délaisse l'apprentissage. Pourquoi? Par paresse, par négligence, tout en aimant la religion, en désirant la religion. Il ne faut pas confondre entre ces deux cas. Le premier cas, il refuse, il ne veut pas en entendre parler. Le deuxième, il délaisse l'apprentissage. Pourquoi? Par paresse, par négligence. Mais au fond de lui, il aime la religion. Il désire la religion, mais sa paresse, elle l'empêche d'apprendre. Celui-ci, il n'y a pas de doute que sa situation, elle est mauvaise. Sa situation est réprimandable. Toutefois, il n'est pas tombé dans la mécréance. mais il est à craindre pour lui qu'il tombe dans toutes sortes de méfaits à cause de son ignorance. Car l'ignorance, c'est la base de tout mal et la cause de la perdition de nombre de personnes. Et de par son ignorance, il se peut qu'il tombe dans la mécréance, dans le polythéisme, dans les innovations ou autres. Pourquoi? Car il n'a pas de connaissance, il n'a pas la science, il n'apprend pas. Donc il se met en danger, mais il n'est pas sorti de l'islam à cause de cela. Il dit ensuite, ni la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont appris la religion, ils en ont connaissance, mais ils refusent de la mettre en pratique. Ils ne veulent pas œuvrer, ils refusent de prier, ils refusent de jeûner, ils refusent de donner la zakat, ils refusent de faire le pèlerinage. Il n'accomplit aucune obligation et il ne s'écarte pas des interdits. Il les transgresse. Alors celui-ci, cela nous prouve qu'il n'a aucun désir pour la religion de l'islam. Et il mécroît par ce détournement, car il a refusé de mettre en pratique la religion de l'islam. Et les preuves à ce sujet, elles sont très nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi elles, il y a ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Ceci est donc le dixième et dernier annulatif de l'islam que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici. Donc tous ces annulatifs, comme je vous l'ai dit, nous les avons vus simplement dans leur sens absolu. Et l'objectif premier de cette étude, c'est de préserver nos personnes de tomber dans ces annulatifs. Et j'insiste sur cela, car je ne veux pas qu'une personne qui ait suivi ces cours s'empresse ensuite et se précipite d'aller faire le takfir d'un tel ou un tel parmi les musulmans sous prétexte qu'il aurait compris ici que tel ou tel acte est de la mécréance. Mais comme je vous ai dit, pour cela, on revient aux gens de science. Il n'y a pas lieu de se précipiter. L'essentiel est que tu connaisses ces annulatifs afin de savoir que c'est de la mécréance, que cela fait sortir de l'islam, et afin de t'en prémunir et de prendre garde à ne pas tomber dans l'un d'eux. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, il termine avec une conclusion très bénéfique. Et il dit, rahimahullah, enfin, il n'y a aucune différence au sujet de ces annulatifs entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux et celui qui a peur. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de différence entre celui qui plaisante et celui qui est sérieux. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont prononcer des paroles de mécréance, puis ensuite il va te dire, non mais je plaisante. Celui-ci, il sort de l'islam de la même manière que celui qui a prononcé la parole en étant sérieux. Et la preuve à ce sujet, c'est ce qu'on a mentionné dans le sixième annulatif. Au sujet de cette personne qui, au retour de la bataille de Tabouk, s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et il prétendait, ne visait par cela que la plaisanterie afin de passer le temps lors du voyage. Il n'était donc pas sérieux. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qad kafartum. Vous avez certes mécru. Il n'y a donc pas de différence entre celui qui plaisante et celui qui est sérieux. Le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, et celui qui a peur. Celui qui a peur, c'est qui? C'est celui qui va prononcer une parole de mécréance ou faire un acte de mécréance. Pourquoi? Par exemple, par peur des mécréants. Il va prononcer une parole de mécréance, faire un sacrifice pour autre qu'Allah, insulter l'islam, dénigrer la religion. Pourquoi? Par peur des mécréants. Celui-ci, il aura donc été transigeant au sujet de sa religion. Et la transigeance est interdite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne a peur d'une nuisance des mécréants, il est obligatoire pour lui de s'accrocher à sa religion. Tant que cette peur, elle n'atteint pas la contrainte, qui est ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme exception. Il a dit, à l'exception de celui qui est contraint. Celui qui est contraint, c'est-à-dire qu'il risque réellement sa vie. Ils vont lui dire, soit tu prononces cette parole, soit on te tue. Alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a excusé. Mais il y a des conditions pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui est contraint alors que son cœur est apaisé par la foi. Il est donc important pour la contrainte de respecter certaines conditions. La première condition, c'est que la personne soit réellement contrainte. Que cela ne soit pas une simple peur. Et qu'il ne fasse pas ça par complaisance envers les mécréants afin d'obtenir un rang ou une place auprès d'eux. Ou alors, de tirer certains profits parmi les profits de ce bas monde. Car comme on a dit, il n'y a pas de complaisance ni de transigeance au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première condition, c'est qu'il soit réellement contraint. La deuxième condition, c'est que son cœur soit apaisé par la foi. Il ne prononce cette parole de mécréance qu'avec sa langue, afin de préserver sa vie tout en conservant la foi dans son cœur. Et la troisième condition, c'est qu'il ne fasse cela que pour repousser la contrainte, et non pas pour obtenir la satisfaction des mécréants. Et cela, et c'est ce qui est arrivé à Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu, qui est la cause de la révélation de ce verset. Les mécréants l'avaient pris et l'ont forcé à insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il prononce au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il désirait. Alors il est venu plein de remords et plein de regrets au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Comment te sens-tu dans ton cœur ?» Alors Ammar radiyallahu ta'ala anhu a dit « Apaisé par la foi. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « S'il recommence, recommence. » Ceci est donc une preuve qu'il est permis en cas de contrainte de prononcer une parole de mécréance, et ce, sous les trois conditions qui viennent de précéder. Que cela soit une réelle contrainte, non pas une simple peur, que la personne risque réellement sa vie, que le cœur de la personne reste apaisé par la foi, et que son objectif, son intention, cela soit de repousser cette contrainte, et non pas de satisfaire les mécréants. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, ils font tous partie des choses les plus dangereuses, c'est-à-dire ces annulatifs, et les plus souvent commises. Donc on revient à ce que l'on avait dit au début, lorsqu'on a mentionné le fait que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ces 10 annulatifs parce que ce sont ceux qui sont le plus souvent commis parmi les gens. En effet, le cheikh, rahimahullah ta'ala, le dit lui-même ici. Ils font tous partie des choses les plus dangereuses. En effet, ils sont très dangereux. Celui qui les commet, ses œuvres sont vaines, sa religion est annulée. S'il meurt sur cela sans se repentir, il sera éternellement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ce sont des sujets très graves, desquels le musulman se doit de faire de grands efforts afin de s'en prémunir. Il convient donc au musulman d'y prendre garde et d'en avoir peur pour lui-même. Et ça aussi, c'est très important. Le musulman, il doit avoir peur pour lui-même. Comme je vous ai dit, ces annulatifs, on ne les a pas appris ici afin de poser des jugements sur telle ou telle personne. Mais ces annulatifs, on les a appris en priorité afin de pouvoir nous en préserver, afin de pouvoir préserver notre religion, afin de pouvoir rester ferme sur la foi et s'écarter de ces choses qui font partie des plus graves péchés faisant sortir la personne de la religion de l'islam. On a déjà mentionné à ce sujet le récit d'Ibrahim alayhi salam. Malgré qu'il ait cassé les statues de sa propre main, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver ainsi que sa descendance de l'adoration des statues. وَجْنُبَنِي وَبَنِيَ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ. Donc si Ibrahim alayhi salam, qui est l'imam des monothéistes, a eu peur pour lui-même, et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Alors que dire de nous? Il n'y a pas de doute que nous sommes plus à même d'avoir peur pour nos propres personnes. Donc le musulman, il ne doit jamais se sentir à l'abri. Tant que tu es vivant, sache que rien n'est gagné. Jusqu'à ton dernier souffle, tu seras éprouvé. Et tu dois rester ferme sur cette foi, ferme sur cette religion. À chaque instant, tu dois penser que ton cœur est entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les retourne comme il veut. Tu multiplies donc cette invocation que l'on a répétée à plusieurs reprises, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé cette épître par une invocation en disant, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les causes de sa colère et son douloureux châtiment, et qu'Allah prie sur la meilleure des créatures, Muhammad, et le salue, ainsi que sa famille et ses compagnons. On a donc terminé l'étude de cette épître, qui était la dernière épître à étudier durant ce séminaire, et c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons pu, durant ce séminaire, étudier ces quatre épîtres de l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, les trois fondements, les quatre règles, les six fondements, ainsi que les annulatifs de l'islam. On remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait grâce de ce bienfait. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah seul et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi ou du diable. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.